pas facile de s'en sortir, il m'a fallu des couilles. Grosse sa mère la pute, et un mental bien solide. Et traverser toute la France, en grâce à sa mère. Et vrai moulin dans le sac, 5 litres, par intérêt. Les filles de pute, que ça devient dur, et bah change de camp. Le 9 mm est devenu léger. Et comme d'hab, j'suis dans le bolide. Et regarde bien, j'ai chargeur tout plat. J'suis pas du genre à mettre des middle. J'suis dans le ventre cramé, mais j'ai froid. Ce qui va te refroidir, c'est mon feu. Quand j'étais petit, moi j'ai fait un vœu. Et aujourd'hui, j'crois que c'est fait. Je vous dédonne les restes comme un paresseux. Récupérer l'argent qui s'en sera poussé. J'suis dans la finesse, dans l'ajustement. Et c'est dans sa bouche pour la finition. Et quand j'ai marqué, bah j'me tire sur la vie de ma mère. J'ai pas changé sa mère. J'suis à la barrière, j'suis à mon 6ème terre. Et j'commence à le ressentir par derrière. Et depuis qu'on a plus 12 ans, on sait qu'est-ce ta mère. Faut que tu payes ta mère. Et j'connais des mecs qui ont déjà plus de cœur, qui ont déjà tué. Et sur la vie de ma mère, j'ai le compte rendu, j'en ai pas assez. Donc je prends les games par le cul. À la base, tout ça c'était pas pour nous. Mais bon, on refuse pas les cadeaux. Le disque dans le même en platine. Attendez, attendez, c'est que le début. Faut pas lâcher, on va se les faire. Et quoi qu'il arrive, il faut pas que tu doutes. Regarde, nous on a la peau sur les os. Sous bête de bateau rouge, je deviens nos yeux. Mais bon, nique sa mère, on le fait pour le blé. Il me faut 100 millions pour que je sois comblé. Écoute, ma mère, faut que je t'explique un truc. Y'a trop plus de personnes croyaient en moi. Aujourd'hui, c'est même fils de pute. C'est fils de pute de me serrer la main. J'suis à deux pas, la tour Eiffel. Et je me fais l'art, ça de bon matin. 300 euros la nuit dans la chambre d'hôtel. Comme j'y vais fort, un tricot bah attends. Y'a 2-3 billets qui sont déchirés. J'vais acheter des élastiques un peu plus larges. Au demain, piqué, tourbillon extra chillique. Sa grand-mère, son horloge. Elle descend, elle remonte. Et quand c'est sec, qu'elle recrache. La démonte, je bétonne du lit. Et c'est à ses vœux que je m'accroche. J'suis dans le ref, fou cramé. Où